Les infis j'élimine, Métatron armée divine pour reprendre Jérusalem face au Judas déicide. Tant mieux s'ils sont terrifiés, ils me traîneront peut-être en justice. Mais pour tout dire, je m'en bats les burnes, j'affûte Excalibur. Car une fois n'est pas coutume, va falloir se battre pour nos terres. Pas les seuls dans ce cas de figure. Gloire à Charles Martel, faudra pas se tromper de type cette fois pour pas que ça se finisse en quatrième croisade comme d'hab au bénéfice des parasites déicides. Quand ils les rendent pas illégaux, ils trafiquent les chiffres. Mais j'ai des yeux pour voir, pas besoin de statistiques ethniques. Ce que je pense des juifs en somme, c'est ce que eux pensent des gommes. Sauf dans un sens, c'est antisémite, dans l'autre, juste la norme. Révisionnisme, année de prison, violent, réunion, rappel à l'ordre. Les trépanés du gland me persécutent car mon gars sûr s'appelle Adolf. Je suis rempli de haine envers ces bouffeurs de falafel. Mais pas besoin de les génocider, les déporter, pas l'affaire d'assaut ou Polanski. C'est pas très catholique ce qu'ils font, besoin d'une nouvelle Isabelle pour reprendre les expulsions. Et s'ils dégagent pas assez vite d'eux-mêmes, leurs cadavres se ramasseront même pas à l'appel. Tellement il y en aura, adieu la menorah. La haine mène à rien, c'est ce qu'ils disent les youpins. Je crois surtout qu'ils ont peur du réveil de l'homme à rien. Mais si on les laisse faire, la fin des temps c'est pour demain. Peu importe la vérité, seul compte la victoire. Ce qui permet au but de couper, de réécrire notre histoire. L'axe du mal c'est pas celui défini par les sionistes. On n'oublie pas Dresden, Hiroshima et Nagasaki. J'œuvre pour la paix mondiale comme le Führer en son temps. Même les déserteurs de la cause en prendront pour leur grade. Conscription arienne, je compte pas me faire réformer P4, mais plutôt incorporer pour faire triompher le 14-88. J'ai pas le syndrome du pape tout fragile. Je veux entendre le débit du 600 coups minutes jusqu'à ce que tous les chargeurs soient vides. Soldats rafalés dans la foule quand les pulls à merde pressent à nos portes. Shoot un up comme Tupac, mais comme Choltov sur Utoya. Avec des textes à prendre à 1°88. Si à 20 piges on est pas antisémite, c'est qu'on va rater sa vie. Rater sa vie. Mourir en démocrate ou survivre en fasciste. Mais essayer de leur faire comprendre ça, c'est uriner dans un Stradivarius. Vivre ensemble, ok. Mais entre nous, exclusivement, ni Dieu ni maître. En général, c'est l'adage des serviteurs de Satan à vouloir brûler les étapes. On le fait souvent avec ses ailes. Les nègres adultes, les messésaires. Moi, c'est Adolf Hitler. Chacun ses héros. Sont trop cons, ces négros. Le seul truc qui m'effraie, c'est ce qu'on peut pas tuer d'une balle dans le crâne. Les poltergeists, les ectoplasmes. En bref, ce qui n'existe pas. L'histoire est écrite par les vainqueurs. C'est Brasillac et pas Bouba. La France est un pays de race blanche. Ça leur plaise ou pas, si c'est illégal de ne pas renier son identité. Je peux être coupable quand je me regarde, je me dégoûte. Quand je me compare, je m'absous. Je suis national socialiste, mais pas d'amalgame surtout. Je veux tous vous foutre au goulag, pas en camp de concentration. Faut avoir le cœur bien accroché, mais je suis plus sensible qu'une croix. Je pourrais gazer des youpins, mais pas noyer des petits chats. Violent et intellectuel, à la Charles Maurras, 1-3-0-9-0. C'est le code postal, si tu me cherches, j'avais des couilles. Bien avant la fachosphère, pour les traîtres à la race. Direction l'échafaudage, faire en sorte que leur délire pervers s'effondre comme un château de cartes. C'est juste du bon sens pour la nation, pas du sabotage. Exceller dans la médiocrité, j'ai pas le temps pour ça. À chaque son que je fais, obligé que je me donne à 100%. Le rap c'est comme être un mâle blanc, c'était mieux avant. Mais vu qu'on a investi le terrain, ça sera mieux demain. Vivement la prochaine nuit des longs couteaux, qu'on extermine les pédales de la section d'assaut. D'Amstrema Alpha Diallo, que les bamboulas comme Black Merde comprennent qu'ils sont pas chez eux. Et si leurs blaines n'en veulent pas, non, on va les carchériser. Métastase du marxisme, l'immigration, c'est cancérigène. Cher pas la main au nez, c'est juste une question d'hygiène. De Sacco et Vanzetti à Adam, à Traoré. Les gauchistes ont toujours su faire des pires, des fils de pute, des martyrs. Ça fait zizir que ce négro soit décédé. Mon seul regret, c'est qu'il n'ait pas assez souffert. Pas avec nos polices assassines, moi je trouve que pas assez. Quand je vois la composition démographique de la Seine-Saint-Denis, dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire, tous ces sous-hommes de merde. Le jour où finalement ma race réveillera et refusera de perdre, c'est pas la Méditerranée qui sépare l'homme d'animal, mais la drépanocytose. Les macaques sont déjà chez nous, et je compte bien leur faire subir ce que Mugabe a fait à mes frères sur ces terres. C'est bien trop tard pour un armistice. Je suis pacifique, pas pacifiste. Et si je m'oppose au métissage, c'est parce que c'est le savant mélange de papa syphilis et maman sida. La mondialisation, c'est un des avatars de l'antéchrist. Un complot, c'est secret, donc y'a pas de complot juif. La parenthèse, on cause l'histoire, c'est maintenant, pas y'a quelques décennies. Les mulots et les toucans, les loutres et les chameaux, faut qu'on les élimine. Prévenez Brigitte Bardot, ça devrait la réjouir, car pour tout dire, c'est pas trop tôt. J'attends toujours qu'on présente le fameux mus patriote. Pour qui les intérêts de la France passent avant ceux de Saouma. Faut pas qu'ils croient qu'on plaisante quand on dit que c'est terre du Christ. Leur présence parmi nous ne se fêtera qu'avec des chrysanthèmes. Ce qu'ils espèrent, c'est d'abic. Moi, Armageddon, cèpe de fer pour les châtier tous. Plus de temps pour le pardon, loi accomplie, non abolie. Exode 22-20, façon.